traverser les siècles. Bonsoir et bienvenue à une autre émission de l'Opineur du Chef. C'est Denis Barry qui est avec vous jusqu'à 22h ce soir, jusqu'à 10h. J'espère que vous avez passé une belle journée, que la vie est bonne pour vous. Il y a quelqu'un qui vous a parlé aujourd'hui, quelqu'un qui vous a souri.

7 days a week. On behalf of Mr. Kennedy and all the management, thank you. When the white eagle of the north is flying overhead, and the browns, reds, and golds of autumn lie in the gutter, dead. Remember then the summer birds with wings of fire flame, come to witness spring's new hope, born of leaves decaying. As new life will come from death, love will come at leisure. Love of love, love of life, and giving without measure gives in return the wondrous yearn of a promise almost seen. Live hand in hand, and together we'll stand on the threshold of a dream. There's a soldier here today, but you don't bear steel in any way. She's like a bow seeking a wooden arrow, haunting the way to love. We all know how we can hate, just as strong as we could ever love. We can love, we can love. God bless you, God, for sending man and woman, pointing the way to love. We got a love of woman. We got a love of woman. We got a love of woman. We got a. Statue in the square, but the things they're hiding, it ain't fair. It ain't fair, Lord, the things they're hiding. 'Cause beneath the stone, the greatest man is all alone. Without a woman to love, to show, out of woman to point the way to love. Feel so free. You won't help me now. talk to the lady with the steel gray eyes while the sun is going down. And we talk of the things that we wish to know, but she's really not around. And the sunset on the mountain is the same color as her cascade chestnut hair. And now loving is in living for forgetting your past. So now why the distant stare? Could it be there is someone who remains in her heart and she cares? Écoutez la radio, c'est la radio de CKRL, c'est la voix de Denis Barry que vous entendez en ce moment, c'est l'émission, c'est l'opineur du chef qui est en onde depuis 20h, on s'en va comme ça jusqu'à 10h ce soir. On vient tout juste d'entendre Sean Phillips de son disque Second Contribution, on a entendu Steel Eyes, les Strubs ont joué tout juste avant Down by the Sea, Soldiers in Your Town, c'était Iron Butterfly tiré du disque Metamorphosis, The Dream, c'était les Moody Blues dont on va parler en deuxième partie de l'émission. Cirrus Minor, c'était bien sûr leur disque de la trame sonore du film More. Et on avait débuté l'émission avec un groupe qui s'appelle All India Radio et la pièce c'était The Bomb. Alors on revient en musique dans quelques instants. J'espère que vous allez bien. Thank you.

même si nous sommes tout ce qui est, que nous soyons des yeux, Satan, ou quoi que ce soit, je regarde l'œil de la vache qui attend et crie en silence. Yeah. Vous écoutez CKRL 89,1 à Québec. C'est l'émission L'Opinion du Chef depuis 20 heures. C'est Denis Barry qui vous parle en ce moment et qui est en train de se débattre avec le lecteur, le lecteur de disques. On va lui montrer c'est qui les plus forts. Alors, bonne soirée et merci d'être là. soir. Je m'appelle Olivier. Je me couche toujours à 8 heures. Sauf le jeudi, parce que j'écoute mon grand-papa Denis à la radio de CKRL. Way, I to find new words to say. I think about the bad old days we used to know. Nights of winter turn me cold. Fears of dying, getting old. We ran the race was won. By running slowly, could be soon we'll cease to sound. Slowly upstairs, faster down, then to revisit stony grounds we used to know. Remembering mornings chilly spent, made no sense to leave the bed. The bad old days, they came and went, giving way to fruitful years. We'll be right back. Vous êtes à l'écoute de CKRLMF 89.1 à Québec, la seule radio qui fait des choses comme ça à Québec. Ça, c'est... Ben, vous l'êtes prouvé vous-même en écoutant toutes sortes d'autres choses. Alors, vous écoutez ce soir, en ce moment, tout juste, pour ceux et celles qui nous écoutent en direct, vous écoutez l'Opineur du Chef depuis 20h et il est exactement 21h. J'espère que vous passez une bien belle soirée, que tout ça vous plaît. On vient tout juste d'entendre Jay Throttle avec la pièce We Used to Know. C'était tiré du disque Stand Up. C'est un vieux disque, tout juste celui avant Benefit et... Aqualung et tout, Take As a Break et tous ces disques qui ont suivi. Mais c'était vraiment dans la première période de création de Ian Anderson et de Jay Throttle. Ils étaient encore des jeunes bardes qui faisaient, se taillaient une place dans ces années où il y avait une pépinière de groupe, là. C'est incroyable comment c'était génial. Et tout juste avant, on a entendu L'Âge d'or, c'est une version différente de la version officielle qui était jouée par Dionysos à l'époque, mais c'est tout de même le chanteur de Dionysos, Paul-André Thibert, qui a repris ça sur son disque solo. Tout juste avant, on a entendu From the Beginning, c'était bien sûr Emerson, Lake & Palmer, tiré du disque Trilogy. Je disais souvent par erreur triologie, je m'en excuse à chaque fois. Là, et l'autre fois, j'ai dit une énormité. Là, j'ai parlé de. J'en dis souvent des énormités, mais là, cette fois-là, je l'ai réentendu le lendemain en écoutant l'émission, mais je me disais, mon Dieu Seigneur, peux-tu dire des choses comme ça à radio? J'avais dit que le dernier disque de Pink Floyd avait été enregistré en 1994, le disque de Division Bells, mais c'était plutôt en 1984. Il y en a un autre qui s'en vient à l'automne, The Endless River, c'est ce qu'on va entendre cet automne à cette émission, bien sûr. Donc, avant From the Beginning, on a entendu une pièce qui a fait réagir aussi, c'est une pièce du groupe Porcupine Tree qui joue régulièrement cette émission, et c'était la pièce Gravity Eyelids, oui c'est ça. C'est tiré du disque In Absentia. C'est dans un revirement de force que Porcupine Tree nous ont donné ce disque après une phase un peu plus prog et psychédélique qui sont revenus en force avec un groupe, un son plus métal. Pour ceux qui ont vu ce spectacle-là, In Absentia, puis ceux qui ont vu les spectacles subséquents, Porcupine Tree nous ont laissé sur une note plutôt pesante. Et on espère un jour les revoir ensemble, mais pourquoi pas? C'est possible. Il est tellement occupé, Steven Wilson, de son côté. Hein? Je sais pas ce qu'ils font les autres pendant ce temps-là. On a entendu même si de Pierre-Michel Péloquin plutôt. Et puis on avait débuté ce bloc avec le chat qui a fait des artistes. Bien sûr, c'est Jean-Pierre Ferland tiré de son disque jaune, disque qui a fait un grand changement musical ici même, dans cette belle province qui est le Québec. Tout de suite après l'Hostie Show, Jean-Pierre Ferland, l'Hostie Show est un show qui avait été monté par Robert Charlebois, là, pour les plus jeunes d'entre vous, qui avait été présenté à quelques représentations seulement, dont une à Québec. Je salue tous ceux et celles de l'auditoire qui ont pu assister à ce spectacle-là. Et Jean-Pierre Ferland, à l'époque, chantait des chansons plutôt du style chanson française, là, Ton visage, quand les, vous savez, ce genre de répertoire. Et quand il a entendu l'Hostie Show, il s'est dit, non, ça se peut plus, j'arrête de faire de la musique, maintenant, faut que je fasse d'autres choses. Et il a créé avec Michel Robidoux et plein de monde, dont Tony Levin, à la basse. Et là, je dis ces noms-là, il y a tellement de grands noms qui ont été associés à ce disque. Jaune, alors on a entendu le chat du café des artistes, voilà. C'est ce qui a joué depuis 20h30 à l'Opinion du Chef. Il est 9h04 pour le prochain bloc musical. Jusqu'à 20h, je me suis fait un plaisir. J'ai décidé de faire jouer les Moody Blues. C'est un groupe que j'aime beaucoup. C'est un groupe qui a une grande carrière derrière eux. qui ont encore aussi une carrière devant. C'est incroyable, ces groupes-là qui lâchent pas. Bien sûr, c'est ce qui prime de ce groupe, c'est bien sûr toute l'orchestration. C'est on appelle ça un peu du rock symphonique, mais c'est aussi la voix et les sons, la voix de Justin Hayward, mais aussi les sons de Mellotron qui donnent cet aspect symphonique au rock. Et toute cette ambiance qu'on a entendue dans les disques des Moody Blues, il y avait toujours un concept. Chaque disque était conceptuel, ce qui était plutôt rare à cette époque. Et c'est probablement pour ça qu'ils ont retenu notre attention. Ce sont des groupes qui nous racontaient des histoires du début à la fin du disque, un peu comme Jethro Tull l'ont fait avec Take As A Brick, Pink Floyd avec Dark Side of the Moon, en tout cas, peu importe. Je vous fais grâce de tous les albums qui ont été concepts dans l'univers du rock. Je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup d'être là. C'est un cadeau de vous savoir là. C'est l'opinion du chef à CKRL jusqu'à 22h. Voici les Moody Blues.

Along the coast you'll hear them boast about a light they say that shines so clear. So raise your glass, we'll drink a toast to the little man who sells you thrills along the pier. He'll take you up, he'll bring you down, he'll plant your feet back firmly on the ground. He flies so high, he swoops so low, he knows exactly which way he's gonna go. Thank you. why do we never get an answer when we're knocking at the door? With a thousand million questions about hate and death and war, when we stop and look around us, there is nothing that we need. In a world of persecution that is burning its heat. Get an answer when we're knocking at the door, because the truth is hard to swallow. That's what the war of love is for. It's not the way that you say it when you do those things to me. It's more the way that you mean it when you tell me what will be. And when you stop and think about it, you won't believe it's true that all the love you've been giving has all been meant for you. I'm looking for someone to change my life. I'm looking for a miracle in my life, and if you could see what it's done to me, to lose the love I knew, and safely leave it between the silence of the mountains and the crashing of the sea. There lies a land I once lived in, and she's waiting there for me. But in the gray of the morning, my mind becomes confused between the dead and the sleeping and the road that I. I'm looking for someone to change my life. I'm looking for a miracle in my life. And if you could see what it's done to me, to lose the love I knew, could safely lead me to the land that I once knew. Learn as we grow the secrets of our soul. It's not the way that you say it when you do those things to me. It's more the way you really mean it when you tell me what will. going to say lovely. Lovely to see you again, my friend. Parce que le mystère est trop impressionnant. On n'ose pas désobéir. Pourquoi on obéirait toujours? Pourquoi on devrait faire tout ce que les autres font? Si on était tous pareils, on serait des automates. Je suis différent des autres et c'est bien, j'en suis fier. J'écoute l'opineur du chef avec Denis Barry tous les jeudis soirs de 20h à 22h sur CKRL MF 89,1 à Québec. just in a simple conversation, you can hear the feeling change, like a river running down, down to the sea. And if you need an explanation, I defy you to explain, but something's not the same, and it's bothering me. I think I see where I went wrong. I think I see what's going on. Meanwhile, I'm far away as the night draws in. He's holding her right now. I can feel it all begin. Meanwhile, I'm far away when the day is done. I'll ride away, my friend, into the setting sun. And the river's running down, down to the sea. Right through my fingers, and I watched it drift away. But still I had to say what was written for me. I thought I'd end up as the hero, thought the glory would be mine. Very soon I was to find it wasn't to be. In this part I've got to play, it doesn't quite turn out that way. Running down, down to the sea. Liberty, freedom, it's all. ages, all through history. They braved the deserts, sailed the raging sea, and left their homes looking for the promised land. They brought their culture, pride and prejudice. All they wanted was a reason to exist. And still they come looking for the promised land. And all the rumors said it was heaven there. All the signs were pointing to a new world. Some way, somehow, there's gotta be a place for us. Somewhere, there's gotta be better way, a new beginning, a second chance. Equality, liberty, freedom. A better life, a brighter future, the right to believe. It's the sky. Can you see in your mind's eye that we are one? We're all the same, and life is just a simple game. And waiting for someone I'm a melancholy man, that's what I am. All the world surrounds me and my feet are on the ground. I'm a very lonely man, doing what I can. All the world astounds me and I think I understand. But we're going to keep growing. Wait and see. When all the stars are falling out into the sea and on the ground, and angry voices carry on the wind, the beam of light will fill your head, and you'll remember what's been said by all the good men this world's ever known. Another man is what you'll see, who looks like you, and looks like me, and yet somehow will not feel the same. His life caught up in misery, he doesn't think like you and me, 'cause he can't see what you and I can see. Et c'est ainsi que va se terminer cette émission de l'Opinion du Chef avec un mix de Moody Blues et des Pink Floyd. Tout ça pour vous dire un gros merci d'avoir été là. C'était Denis Barry avec vous depuis 20h. J'espère que vous avez passé une belle soirée, que cette soirée se poursuit et qu'elle sera belle, longue et amusante. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 20h pour une autre édition de l'Opinion du Chef. Je vous laisse au bon soin de l'équipe de Ton Oreille à Soif et je vous souhaite une belle fin de semaine. Il fera beau. Un beau rendez-vous. Tiens, pourquoi pas un rendez-vous doux? Alors, c'est ce que je vous souhaite. Au revoir. I'm a melancholy man.